premier temps d'une histoire de l'outre-mer ou des outre-mer dans la fabrique de l'histoire. Aujourd'hui, notre grande invitée est Isabelle Surin, professeure en histoire contemporaine à l'Université de Lille. En cette semaine qui se termine par la journée commémorative du souvenir de l'esclavage et de son abolition, nous allons nous intéresser à cette notion d'outre-mer qui, bien que très ancienne dans la langue française, a constamment évolué depuis le XVIIIe siècle au moins. Demain, nous nous arrêterons sur la loi cadre de fer qui, en 1956, crée dans les territoires d'outre-mer des conseils de gouvernement élus au suffrage universel. Mercredi, nous nous centrerons sur la très bonne revue d'histoire Outre-mer au pluriel qui fait suite à la revue française d'histoire d'outre-mer fondée en 1912. Jeudi, Séverine Yattard et Séverine Cassard nous conduiront dans une visite des archives nationales d'outre-mer installées à Aix-en-Provence. Et aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir Isabelle Surin, qui dans son livre « L'Afrique dévoilée » paru l'année dernière aux presses Panthéon Sorbonne dans sa collection d'histoire contemporaine, s'attache à comprendre les motivations et les pratiques des explorateurs de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle en Afrique de l'Ouest, avant que cette région ne soit entièrement colonisée par la France en particulier et qu'elle devienne une région d'outre-mer. Bonjour Isabelle Surin. Bonjour Emmanuel Laurentin. Merci d'être notre invité en ouverture de cette semaine. Avec une notion, vous êtes habitué à brasser beaucoup de notions dans Dévoiler l'Afrique et dans vos autres ouvrages, vous vous intéressez à une vision justement très théorique aussi de ce qu'est le rapport de la France à son histoire coloniale. Mais c'est vrai que Outre-mer, c'est pas facile en fait pour des historiennes ou des historiens qui s'intéressent aujourd'hui à l'histoire de la colonisation. Qu'est-ce qu'on fait de cette notion d'outre-mer ? Alors c'est vrai que c'est une notion qu'il faut interroger, qui est en fait finalement relativement récente et puis qui a plutôt émergé au moment de la décolonisation. On a remplacé les colonies par l'outre-mer, mais elle pose la question du point de vue d'où l'on parle. Outre-mer, c'est où l'outre-mer et depuis où Est-ce que la France métropolitaine ne serait pas l'outre-mer de l'outre-mer, par exemple? On peut l'imaginer, mais en réalité, c'est toujours dans l'autre sens qu'on le pense. Donc, si on veut un petit peu décentrer les choses, la notion pose problème, c'est vrai. Et néanmoins, on l'utilise très régulièrement, vous faites partie effectivement de cette revue dont on parlera mercredi qui s'appelle Outre-mer au pluriel, qui a toujours à réfléchir à son positionnement, à ce qu'elle raconte et à ce qu'elle dit, c'est ce que diront nos invités de mercredi. Pour votre part, vous êtes parti dans un travail tout à fait conséquent qui n'a été publié que l'année dernière, donc dans une réflexion sur ce qui précède justement la colonisation, sur ce moment qui est un moment un peu fluctuant, pourrait-on dire, entre le milieu du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, un siècle pendant lequel on n'est pas encore dans la logique coloniale, sauf évidemment pour ce qui concerne de l'Algérie, dont on a parlé ici récemment avec Hélène Blé. Et vous remettez en cause, je dis que vous avez un travail théorique, vous remettez en cause certaines des idées que l'on peut avoir justement sur cette vision de la colonisation, en particulier sur le post-colonial, en vous interrogeant sur un moment qui n'est pas le moment de la colonisation, mais qui est celui qui le précède directement. Alors, en effet, l'Afrique au XIXe siècle, au tout début du XIXe siècle et à la fin du XVIIIe siècle, connaît une présence européenne très discontinue. C'est le temps des comptoirs, qui correspond à l'ancien régime colonial, à un commerce atlantique et au-delà, où les Européens n'ont pas besoin, en fait, de pénétrer dans l'intérieur de l'Afrique pour faire le commerce qu'ils font avec l'Inde. Intérieur. Donc les intermédiaires du commerce viennent eux-mêmes à la côte. En termes de savoir, l'Afrique reste inconnue dans son intérieur pendant tout le 18e siècle et puis même la première moitié du 19e siècle. Finalement, c'est assez tardif l'entrée des Européens par petits groupes d'individus dans l'intérieur, parce que les marchands n'avaient pas besoin non plus, le commerce n'avait pas besoin de cette pénétration dans l'intérieur du continent finalement. Oui, vous y expliquez en ouverture de votre livre excellent qui s'appelle « Dévoiler l'Afrique, lieu et pratique de l'exploration », Afrique occidentale 1780-1880, donc aux éditions de la Sorbonne, vous expliquez qu'effectivement l'exploration européenne du continent africain n'est pour l'essentiel, dites-vous, pas concomitante de la conquête coloniale. Et c'est en cela que vous vous détachez d'une autre vision qui mêle dans la foulée peut-être d'Edouard Saïd, qui mêle colonisation et présence européenne. Vous expliquez qu'il y a là une présence européenne, certes, mais marginale, au bord, sur les comptoirs de l'Atlantique en particulier, mais qu'elle n'a pas pour prétention justement d'aller à l'intérieur des terres jusqu'à un certain moment où elle va, donc cette présence, envoyer progressivement des explorateurs pour aller y voir de plus près, mais pas toujours et pas encore, du moins, dans la prétention de pouvoir coloniser et mettre en coupe réglée l'intérieur de l'Afrique, Isabelle Surin. C'est vrai que, en termes de chronologie, la conquête de l'Afrique proprement dite est finalement assez tardive. Ce sont les deux dernières décennies du 19e siècle, même les 15 dernières années, après la conférence de Berlin notamment. Donc tout ce qui précède pourrait être vu rétrospectivement en termes de préparation à cette conquête. Et il est vrai que les géographes, les historiens de la géographie se sont interrogés sur l'effectivité des savoirs géographiques à constituer finalement une sorte de renseignement utile à la maîtrise politique des territoires. Une préparation voilà. militaire, presque une préparation du terrain, comme on dit, une préparation militaire. Voilà, alors c'est vrai qu'une carte constitue un médium qui permet de saisir dans son ensemble un espace et d'en repérer les grandes lignes, notamment l'hydrographie, la topographie, et de se faire une idée de ce qui pourrait y être fait, mais et d'y développer une stratégie. Mais en fait, on s'aperçoit quand on rentre dans les détails que ça ne se passe pas tout à fait comme ça, parce que les cartes produites à l'issue des voyages des premiers explorateurs finalement ne constituent que de très ténues itinéraires, des lignes fines sur un espace qui reste complètement blanc, lorsqu'on assigne finalement aux explorateurs la mission d'aller explorer, repérer des sources de fleuves, quel est l'intérêt stratégique de ça? On navigue pas sur une source. Bon, donc tout ça est à revisiter. Et vous le revisitez en rappelant par exemple qu'en 1716, celui qui écrit la méthode pour étudier la géographie, Anglais Dufresnoy, dit à l'exception de l'Égypte et de la barbarie, donc ce qu'on appelait la barbarie, c'est donc le Nord et l'Afrique du Nord en particulier, l'Afrique ne nous intéresse pas plus qu'elle ne nous est connue. Et donc, et vous rappelez aussi que l'abbé de Raynal, le très fameux auteur de l'histoire des Indes, en 1770, toujours au XVIIIe siècle, dit « L'intérieur du pays est peu connu et ce qu'on en sait ne peut intéresser ni l'avidité du négociant, ni la curiosité du voyageur, ni l'humanité du philosophe. » Évidemment, il se trompe un tout petit peu, parce que l'avidité du négociant va être assez vite intéressée par ce qui se passe à l'intérieur de l'Afrique, la curiosité du voyageur aussi, et l'humanité du philosophe également, parce que évidemment, on va se poser des questions à partir du moment où on va déclencher la colonisation de ce territoire africain, sur la légitimité de cette colonisation. Ça ne va pas tarder à venir, Isabelle Surin. Même s'il y aura des débats qui seront... Oui, alors sur l'Afrique, ça ne vient pas si vite parce qu'en fait, elle reste à la fois un objet de fascination et d'ignorance. Et alors jusqu'à la fin du 19e siècle, du 18e siècle, ça devient un problème et une honte finalement pour les sociétés européennes de voir que ce continent si proche est si méconnu à l'intérieur. Parce que ces sociétés européennes ont pour prétention de dresser la carte du monde, oui, d'une certaine façon, la carte des espèces, la carte des espèces vivantes et également la carte géographique du monde. Et alors qu'on commence à disposer de map-monde qui donne les contours des continents de manière assez précise et de tous les continents, eh bien l'intérieur de certains continents est un vide cartographique. Donc en ce sens, l'invention aussi du blanc de la carte a fait surgir cet inconnu visuellement sur les cartes, a donné envie d'aller y voir de plus près. Mais dans un premier temps, et pendant, je dirais, tout le premier 19e siècle, d'inspiration plutôt libérale, l'idée est d'aller d'ouvrir ces continents au commerce et éventuellement à la civilisation par le commerce, mais sans les posséder politiquement, sans conquête territoriale. Et vous rappelez la phrase du géographe Jomard au début du premier 19e siècle, dans le premier 19e siècle, où il dit « Le génie entreprenant de l'Europe civilisée ne se reposera point avant d'avoir déchiré le voile tout entier. Oui. » C'est pour ça que vous appelez votre livre « Dévoiler l'Afrique ». Ce voile qui recouvre l'Afrique et qui est une sorte d'insulte, de honte, dites-vous, pour ceux qui, tout au long du 18e siècle, ont assumé cet esprit des Lumières que de ne pas connaître. On se souvient effectivement des explorations de Humboldt et de tous ceux qui l'ont succédé. Et là, d'un seul coup, on connaît mieux l'Amérique latine, on connaît mieux une partie de l'Asie que le cœur de l'Afrique qu'on ne connaît pas, Isabelle Surin. C'est vrai que la métaphore du voile, on la retrouve sous la plume d'un certain nombre de géographes. Et voilà, c'est cette idée de déchirer le voile qui est le voile de l'ignorance. Alors, on peut y voir une métaphore que les tenants des post-colonial studies pourraient interpréter autrement, comme une prise de possession symbolique, voire genrée, enfin, de ce continent africain ainsi presque féminisé. Mais c'est, je ne pense pas qu'il faille lire ça tout à fait dans cette citation de Jomard que vous venez de mentionner. C'est vraiment l'idée de l'ignorance qui fait obstacle. Alors quand on est ignorant et qu'on est un homme des Lumières, eh bien on va envoyer des personnes pour pouvoir combler le blanc de la carte. Vous vous attachez beaucoup à deux organisations qui sont l'African Association à Londres, qui dès la fin du 18e siècle donc va envoyer, missionner des gens qu'elle va payer pour pouvoir aller repérer le cœur du continent africain, avec peu de succès, il faut bien le dire, et la Société de Géographie, sise à Paris, qui va donner d'ailleurs naissance à d'autres sociétés géographiques en Europe, qui elle-même va prendre d'une autre manière, pour pouvoir justement envoyer des gens sur place, c'est-à-dire elle ne va pas les missionner, elle ne va pas les payer, mais elle va leur demander de partir et les récompenser par des prix s'ils arrivent à agrandir la connaissance que l'on peut avoir du territoire africain. Et la concurrence de ces deux initiatives vous intéresse particulièrement, l'une se plaçant à la toute fin du 18e siècle, l'autre se plaçant plutôt dans la première moitié du 19e avec des évolutions. Alors c'est vrai que ces deux sociétés, ces deux institutions savantes qui se créent avec essentiellement l'ambition de concourir à la réduction de l'ignorance sur la cartographie du monde, et eh bien elles ont toutes deux pour point commun finalement de se situer dans cette époque où l'on distinguait nécessairement le savant qui était un savant de cabinet et le voyageur qui allait collecter au loin le savoir, même s'il y a des exceptions, il y a des savants qui ont voyagé, Humboldt par exemple. Voilà, rappelons-nous tout de même effectivement que depuis en gros la fin du Moyen-Âge au moins, et peut-être même avant, eh bien il y a des voyageurs, des commerçants, des marchands qui reviennent dans leur cité, qu'elle s'appelle Venise, Gênes, Paris ou Londres, qui sont interrogés par des savants, géographes, cartographes, qui dressent des cartes, qui écrivent des écrits qu'on pourrait appeler proto-ethnologiques ou proto-anthropologiques, à partir de ce que leur disent ces marins, par exemple, et qu'il y a un changement qui va se passer tout au long du 19e siècle, sur lequel vous allez insister, Isabelle Surin, puisque jusque à cette fin du 18e siècle, c'est encore la même chose. On a toujours des gens qui partent et qui ramènent à des savants de cabinet leur savoir, leurs connaissances et les notes qu'ils ont prises. C'est vrai que le travail de géographe à ce moment-là, ou de savant, les disciplines sont assez sont mal différenciées. Hein. C'est un travail de cabinet, c'est un travail de compilation. On est dans une configuration qu'on peut appeler science à distance. Et finalement, le problème, c'est de contrôler, d'arriver à contrôler celui qui part collecter au loin le savoir. Comment est-ce qu'on va faire pour s'assurer que le savoir qu'il rapporte est de bonne qualité, qu'il est homogène, qu'on peut comparer entre des savoirs ramenés de différentes parties du monde, et puis surtout qu'il ne ment pas, puisqu'il y a cet adage à beau mentir qui vient de loin, qui inspire vraiment les sociétés savantes et qui les pousse à mettre en place des procédures finalement de vérification, de validation des savoirs venus de loin, et même de prendre le problème en amont en rédigeant des instructions aux voyageurs pour configurer la collecte des savoirs et s'assurer qu'il y ait de bonnes pratiques de collecte. Alors ouais, effectivement, on sait par exemple que Samir Boubedienne, qui a travaillé sur la colonisation du savoir, travaille maintenant sur les questionnaires, sur le type de questionnaire que l'on, quand on interroge le monde, d'une certaine façon, effectivement, il y a ces questionnaires qui sont mis en place. L'African Association à Londres envoie entre 1788 et 1809 7 voyageurs, c'est cela, Isabelle Surin, dont je crois 4 ne vont pas revenir de leur voyage. Ils vont mourir sur place, donc ça n'est pas d'une très grande rentabilité, puisqu'on ne sait pas très bien ce qu'ils ont vu, comment ils ont pu noter les gens qu'ils rencontraient, les paysages, les cultures et les civilisations qu'ils croisent. Et donc, à part Mungo Park, dont la deuxième expédition verra la fin, mais la première expédition a été très médiatisée, à part l'Écossais Mungo Park, eh bien, il y a peu de réussite dans ce domaine-là, ce qui va conduire les Français en particulier un peu plus tard à changer le type de manière d'avoir un rapport entre sociétés savantes européennes et voyageurs au loin, et en particulier au cœur de l'Afrique, Isabelle Surin. Oui, en effet. Alors, l'African Association était une sorte de fondation de mécènes qui avait les moyens... D'aristocrates. Oui, tout à fait. Qui avait les moyens de rétribuer des voyageurs, donc de les engager, de les sélectionner avant le départ, de s'assurer qu'ils avaient les connaissances suffisantes, de compléter éventuellement leurs connaissances, de leur permettre aussi d'apprendre quelques langues, l'arabe éventuellement, ou quelques langues sur la côte avant leur départ. Mais ça pouvait être effectivement un investissement à fond perdu lorsque le voyageur ne revenait pas. Alors certains faisaient quand même parvenir des lettres de l'intérieur avant de mourir, et puis on s'intéresse toujours, les voyageurs suivants cherchent à retrouver les traces du précédent qui a disparu. Mais effectivement, la Société de Géographie de Paris, fondée en 1821, n'a pas ces moyens-là et trouve finalement un moyen qu'on pourrait juger beaucoup plus cynique de collecter de l'information et de susciter un mouvement d'exploration vers l'Afrique, c'est de mettre en place des prix. Le meilleur exemple en est le prix pour un voyage à Tombouctou, qui n'est destiné à aucun voyageur en particulier, mais dans l'esprit de ses rédacteurs, devrait susciter l'enthousiasme de voyageurs dont on récompensera le meilleur s'il revient. Alors, tout de suite, une question qui n'est que le chapitre 8 de votre livre, néanmoins, c'est pourquoi Tombouctou ? Qu'est-ce qui fait que ces sociétés européennes sont fascinées par Tombouctou, au point, bon, alors on sait que il y en aura 2 qui arriveront. L'un sera assassiné après quelques jours après avoir atteint Tombouctou. L'autre arrivera à en revenir. René Callier, très connu dans ma région natale du Poitou, puisqu'il est originaire de la région nortaise. Ce René Callier, en l'occurrence, va revenir de Tombouctou. Ça va faire un énorme succès. Il va être critiqué par les Anglais parce que il n'aurait pas eu la bonne méthode pour le faire. Mais néanmoins, au bout du compte, il montre à vous, historienne Isabelle Surin, combien Tombouctou est un enjeu. C'est quoi l'enjeu de Tombouctou ? Un enjeu mythologique, mythographique ? Oui, on peut parler d'un mythe géographique. Tombouctou en réalité, à cette époque-là, ne représente plus grand-chose, ni en termes d'activité économique, ni même d'activité intellectuelle, mais ça a été à la fois tout ça. Ça a été un interface des relations du commerce transsaharien et du commerce intra-africain, voilà. Et puis, ça a été aussi la ville des lettrés, la ville où allaient se former un certain nombre de musulmans de la région. On y trouvait des théologiens, mais voilà, ça a été aussi une capitale intellectuelle qui a produit des chroniques historiques sur les à l'époque de l'Empire Songhai, par exemple. On a quand même des chroniques qui remontent au XVIIe siècle, qui proviennent de Tombouctou. Mais ce qu'on en sait en Europe, ce n'est pas ça. On ne connaît même pas l'histoire de ces chroniques-là. C'est un point sur les cartes, sur des cartes même assez ancienne, Tombout, puis Timbuktu, qui est aussi l'objet de savoirs complètement médiés par les informateurs qui se situent sur les côtes marocaines, en fait, qui continuent à faire ce commerce transsaharien et qui vont à Tombouctou, effectivement. Tombouctou reste la plaque tournante de ce commerce. Et qui finalement fait surgir des mythes par l'ignorance qu'en ont les Européens. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant effectivement que ce mythe de Tombouctou va perdurer encore jusqu'à aujourd'hui comme étant un lieu central de la mémoire. On pourrait presque rajouter dans les lieux de mémoire Tombouctou, dans les lieux de mémoire européens, parce que ça fait partie de ces villes qui ont compté dans l'imaginaire européen. Et tout compte fait, quand on découvre Tombouctou, eh bien, par l'intermédiaire de René Caillé, on peut par exemple être un tout petit peu déçu de ce qu'on retrouve, parce que ça n'est pas effectivement ce qu'on avait pensé retrouver. Et alors justement, ce schéma de la déception, on le retrouve au-delà de René Caillé. La plupart des voyageurs qui se sont rendus à Tombouctou expriment finalement une déception. Pour René Caillé, c'est une ville sans oiseaux, une ville sans végétation, une ville morte. Il trouve qu'il n'y a pas tellement de commerce. Il vient de Djéné, un peu plus au sud, sur un des affluents du Niger, qu'il a trouvé beaucoup plus florissante. Le suivant, c'est Heinrich Barth, qui vient, lui, de Kano et de Sokoto, et qui a vu des villes d'une autre ampleur que celle-là, qui, en plus, va être cantonné pendant tout son séjour à la maison de son hôte, parce qu'il ne peut pas sortir, il est un peu en danger. Et puis, finalement, c'est Oscar Lenz qui, quand il va arriver par le nord, lui, il est le seul à arriver à Tombouctou, depuis le Maroc. Et donc il réédite finalement cette expérience des marchands marocains pour qui Tombouctou c'est le Havre, c'est l'arrivée. Voilà, c'est une fois qu'on a traversé le Sahara, on arrive à Tombouctou et c'est la ville qu'on attendait. Mais tous ceux qui arrivent par le sud, l'est ou l'ouest finalement sont déçus. Et c'est un schéma qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Les touristes qui vont à Tombouctou aussi sont souvent finalement un petit peu déçus. Tant d'encre a coulé pour ça. Bon. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que ces itinéraires de voyageurs, donc précisons que vous avez travaillé sur la période 1780-1880, Isabelle Surin, qu'en gros la première moitié du 19e siècle, eh bien, ne couvre qu'une toute petite partie du territoire qui est représenté par le blanc dans les cartes de territoire africain. Ce sont des itinéraires. Généralement, on suit des fleuves, on suit le Niger, par exemple. Donc, on évite des grandes parties du territoire. La Haute-Volta, par exemple, n'est pas parcourue, ou presque pas, puisqu'on va soit par le sud, depuis les ports du Golfe de Guinée, soit par l'ouest, et puis donc on évite certains endroits qui ne sont pas traversés par des fleuves. Et donc, on a encore une connaissance extrêmement parcellaire de ce territoire, d'autant qu'il faut, quand on veut avoir une connaissance, avoir des intermédiaires, et on en discutera dans un instant, puisque ces intermédiaires sont extrêmement importants dans votre travail. Une musique du Fouta Djallon qui va vous dire quelque chose. Thank you. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Nous n'avions pas d'enregistreur donc à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe, quand les premiers voyageurs européens parviennent à ces régions du Fouta Toro, du Boundou, du Fouta Djallon, et en particulier Gaspard Molien. Gaspard Molien, qui est un des explorateurs sur lequel vous avez travaillé, Isabelle Surin, pour votre livre « Dévoiler l'Afrique, lieu et pratique de l'exploration ». C'est extrêmement intéressant parce que ce chapitre sur Gaspard Molien, mais sur d'autres des explorateurs qui ont fait votre sel, pourrait-on dire, eh bien, c'est un chapitre qui s'intéresse à la façon dont explorer se passe quand on doit prendre des relations avec les élites locales, discuter avec des savants locaux, obtenir des autorisations pour traverser un territoire, de quelle manière le traverser, avec quelles autorisations, mais avec quelle vêture aussi. Tout cela, vous y travaillez. Et cela nous rappelle le travail qu'a mené, par exemple, Trinka Stalunjak au Collège de France récemment sur les fixeurs, elle appelait ça les fixeurs du Moyen-Âge, qui étaient ceux que justement prenaient les pèlerins pour pouvoir les accompagner sur les lieux saints. À qui fait-on confiance? Quelle est l'autorité? Comment la reconnaître? Etc. etc. Alors en effet, parce que pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, les lignes des itinéraires ne vont pas n'importe où. Et alors c'est pas tellement qu'on évite des régions, c'est que on va là où on peut aller, et on peut aller là où on va selon des chaînes finalement d'informations et d'intermédiaires qui permettent de se déplacer dans des espaces, parce que les voyageurs qui arrivent dans cette partie de l'Afrique n'ont pas du tout la maîtrise du territoire. Ils arrivent dans des territoires qui sont sous souveraineté autochtone. Et donc, la première chose à faire, c'est de demander la permission de passer. Pour ça, il faut des intermédiaires, des guides, des traducteurs, et puis s'adresser à l'autorité. Ce qui fait que, finalement, constamment, ces voyageurs sont sous une double dépendance logistique et politique. Logistique parce qu'ils dépendent des populations pour demander, finalement, le pain et l'eau. Ils ont des marchandises à échanger pour payer le gîte, le couvert, mais politiquement, ils dépendent des chefs qui ouvrent ou ferment les chemins. Cette expression est souvent rapportée dans les récits de voyage, ouvrir ou fermer la route, qui indique bien la souveraineté politique de ces chefs. Donc il faut commencer par aller rencontrer les chefs. Et puis ensuite avoir des autorisations, c'est ainsi par exemple que ce personnage de Molien, donc après avoir vu un Almami, donc un chef musulman de la région, croise une autre personne qui l'interroge sur sa route et qui l'arrête. Et il lui dit ceci: « Je lui répondis que j'avais vu l'Almami et que ce prince m'avait permis de traverser ses états. Pourquoi ne vous a-t-il pas donné une lettre » répliqua-t-il. Ce personnage qui fait d'une sorte de façon le douanier. Cette observation ne me parut pas déplacée et me prouva que dans cette partie de l'Afrique, au moins, les naturels ont une idée assez exacte de la police des routes. Je ne pouvais me plaindre que l'on commît une injustice à mon égard, car en Europe, l'oubli de mon passeport m'eût de même fait arrêter. Il fut décidé après une longue délibération que mon marabout monté à cheval irait trouver l'Almami et qu'en attendant son retour, mes marchandises seraient déposées dans un magasin pour être à l'abri du pillage, une décision semblable fait voir mieux que mille raisonnements que le Fouta Toro a réellement un gouvernement régulier, que la police s'y exerce au nom du prince et que tout marche bien pour l'intérêt commun. Voilà un homme des Lumières qui semble reconnaître un État en plein cœur de l'Afrique, là où il pensait trouver des despotes donc autoritaires, sans aucun État, et qui appliquait une justice qui n'était pas une véritable justice, en l'occurrence Isabelle Surin. Alors effectivement, c'est la découverte par Gaspard Théodore Molien de l'existence d'un état de droit. Bon, il se trouve que le Fouta Toro est un état musulman, disons une théocratie musulmane fondée au XVIIIe siècle. C'est un état où en plus le pouvoir est électif, et donc l'Almami n'exerce pas ad vitam aeternam ce pouvoir-là. Il peut être destitué, remplacé. Il y a un conseil de notables qui exercent aussi collectivement le pouvoir. Et puis il y a l'écrit qui est là parce que la langue arabe sert de langue de gouvernement, de langue de la diplomatie, et que on a des documents en arabe. D'ailleurs, Molien recopie, donne un titre d'exemple, le contenu du laissez-passer qu'il a finalement obtenu, qui indique que l'Al-Mami dit voilà, nous l'avons reçu, puis nous l'avons laissé partir, que les portes lui soient ouvertes. Et c'est très étonnant, parce qu'évidemment, voilà des gens qui arrivent en plein cœur de l'Afrique avec des idées reçues, dans le foot à Jalon, le foot à Toro, et qui sont étonnés par les réactions de ceux qu'ils trouvent en face d'eux, en particulier de ces souverains. C'est le cas un peu plus tôt, à peu près à la même époque, de Mungo Park, qui en 1796 se retrouve dans le royaume Mambara de Sego, et avec un souverain qui ne veut pas le voir, qui ne veut pas le recevoir, donc il ne comprend pas très bien, mais qui en revanche lui fait don d'un sac de kori, donc de coquillages précieux qui permettent justement les échanges au plein cœur de l'Afrique, qui servent de monnaie. Et donc il ne comprend pas pourquoi on ne veut pas le recevoir, mais en même temps on lui fait un don. Donc évidemment ça ne rentre pas dans sa propre logique, Isabelle Sion. Oui, alors c'est vrai que toutes les séquences d'interaction entre voyageurs et chefs d'État de l'intérieur de l'Afrique sont des séquences de dons et de contre-dons. Parce que le chef, c'est celui qui va assurer la protection, mais qu'il faut honorer par un don, qui ensuite va faire en sorte que le voyageur ait suffisamment de vivres, qui va lui faire transmettre des repas, des vivres, ou des moyens de subsister dans la suite de son voyage, des guides éventuellement pour aller jusque là où s'arrête sa propre souveraineté. Dans le cas que vous évoquiez du souverain Manson qui refuse de recevoir Mungo Park. Mungo Park ne le comprend pas très bien, mais il s'agit d'une lutte interne un peu à cet état de Ségou à ce moment-là, où s'affrontent un parti pro-musulman et un autre plus traditionnaliste, disons, et où l'inquiétude de recevoir un chrétien pose problème à ce moment-là, pour des raisons purement locales et de politique interne. Mais en donnant ce sac de kori, le souverain Manson a effectué finalement son rôle de protection et d'aide. Et pourtant, il n'a pas ouvert les portes. Il n'a pas autorisé donc ni Mungo Park à traverser le fleuve Niger pour entrer dans Ségou, ni finalement à ses sujets à recevoir Mungo Park, puisqu'il n'a pas donné de signal fort indiquant que ce voyageur était protégé. Donc finalement, Mungo Park dort dehors, sous les arbres, aucune porte ne s'ouvre à lui. Oui, alors c'est fort intéressant, parce qu'on y voit effectivement que ces explorateurs que vous décrivez, donc rappelons-le, à la fin du XVIIIe siècle, explorateurs de l'Afrique de l'Ouest en particulier, et au début du XIXe siècle, eh bien ces explorateurs n'ont rien d'Indiana Jones. Ils ne sont pas seuls avec leur machette, ils ne sont pas en train de couper la jungle qu'ils pénètrent par effraction. Ils suivent des routes qui sont les routes des voyageurs, qui sont les routes des commerçants. Ils croisent des gens qui veulent bien leur donner leur aide ou pas. Et donc, ils sont en relation de dépendance, voire de faiblesse parfois. Et vous expliquez bien combien ils ne sont pas les explorateurs tels qu'ils ont été représentés à la fin du 19e siècle, au moment où la conquête coloniale, elle, a valorisé justement le sort individuel de chacun de ces grands explorateurs. Voilà, il s'agissait vraiment aussi de déconstruire ce grand récit de l'exploration où l'explorateur est un héros solitaire qui est capable de maîtriser aussi bien le trajet de son itinéraire que sa subsistance et qui amène tout avec lui en réalité. Non, on n'en est pas là du tout. Ces voyageurs voyagent en tout petits groupes. Ils sont 1, 2, 3. Il y en a souvent un ou deux qui meurent en route. Bon, ils sont vraiment peu nombreux et on a plus souvent affaire à des Européens seuls, mais pas seuls complètement, puisque ceux que Jean-Pierre Chrétien appelait les compagnons obscurs, qui sont en fait tous ces guides, souvent tués ou cachés dans les récits d'exploration plus tardifs, ceux notamment de la quête des sources du Nil. Évidemment, et ceux-là, ils sont jamais ou presque jamais mentionnés. Ils sont représentés, on les voit dans les récits quand même de Stanley, on a des portraits, des dessins avec des noms, mais dans le récit, ils n'apparaissent pas tellement. Alors que Gaspard Théodore Molien, par exemple, voyage vraiment avec celui qu'il appelle son marabout, qu'il a rencontré à Saint-Louis. Du Sénégal, avec lequel il partage une langue commune qui n'est ni la langue maternelle de l'un ni de l'autre, c'est le Wolof. Le Boukhari, le marabout en question, lui parle peul, et Gaspard Théodore Molien a appris le Wolof. Donc ils ont une langue commune qui est le Wolof, mais qui n'est pas leur langue natale, voilà, à chacun. Et c'est cet individu qui devient, enfin qui est un compagnon de voyage vraiment très proche, qui devient quasiment son ami, qui va lui donner des conseils au fur et à mesure et lui permettre finalement de voyager en pays peul, pas seulement comme traducteur, mais comme conseiller, on va dire, conseiller culturel. Les différents guides de Molien le conseillent sur sa tenue vestimentaire. Comment faut-il s'habiller à la manière des nègres, par exemple? Alors, dans un premier temps, Molien croit que s'habiller de manière pratique pour monter à cheval sous le soleil, ça peut être l'habit mort. Et puis, il s'aperçoit qu'il fait peur aux villageois en étant habillé comme un mort, parce que c'est une période où les morts font des razzias au sud du Sénégal. Alors ensuite, il reprend l'habit européen, mais cet habit européen paraît ridicule et même féminin, parce que c'est la culotte du début 19e siècle qui est très moulante pour les hommes. Et finalement, un guide lui donne un vêtement africain qu'il enfile, et là, tout d'un coup, ces guides disent, mais voilà, enfin voilà un homme, donc le voilà habillé à l'africaine. Et c'est tous les malentendus qu'il peut y avoir sur le chemin d'un explorateur. Un extrait de la symphonie numéro 1 de Édouard Elgar. Elgar avait commencé à travailler en 1898 sur une œuvre à la gloire du général Charles Gordon, ce fameux Gordon de Khartoum, projet qui n'a pas abouti et qui fut remplacé finalement par cette symphonie dite absolue et sans programme. De la symphonie numéro 1 d'Edouard Elgar, composant en 1907, interprété ici par l'orchestre de la BBC, dirigé par Edouard Garner. Nous sommes avec vous, Isabelle Surin, dans cette émission d'ouverture consacrée à l'histoire de l'outre-mer, avec votre livre qui s'intitule « Dévoiler l'Afrique, lieu et pratique de l'exploration, Afrique occidentale 1780-1880 » aux éditions de la Sorbonne. On a beaucoup discuté, quand on était voyageur, à toute époque d'ailleurs, de la duplicité de ce que l'on croit croisés sur place, et en particulier, je citais tout à l'heure Zrinka Staljak, elle travaille sur les voyageurs du Moyen-Âge, et en particulier ceux qui se rendent en Terre Sainte et qui considèrent qu'ils ne peuvent pas faire confiance à leurs interlocuteurs parfois, qui les trompent, mais vous nous montrez bien aussi dans Des voiles à l'Afrique que ce sont aussi les voyageurs qui trompent leurs interlocuteurs. Ils mentent sur les raisons de leur voyage, ils mentent sur le lieu d'où ils partent pour pouvoir arriver chez un souverain, ils mentent sur le lieu où ils vont à partir de l'endroit où ils découvrent le territoire de ce souverain, etc., etc. Alors, en effet, et ça procède aussi d'une espèce de chaîne de malentendus, les fables qu'ils inventent nous en disent beaucoup sur la manière dont ils imaginent être reçus dans les espaces qu'ils vont explorer. Le premier obstacle qui leur apparaît, c'est celui de la religion. Donc on se fait turc parfois, par exemple, on peut se faire turc pour pouvoir faire croire que... Se faire turc, se faire égyptien... Maure ou marocain, les tout premiers intermédiaires qui ont fait connaître un peu l'intérieur de l'Afrique avaient dit aux Anglais ou aux Français, on peut vous emmener finalement dans des caravanes de voyageurs, de voyages transsahariens. Mais il faudra vous déguiser comme nous. À ce prix, vous pourrez traverser le Sahara ou entrer dans l'intérieur de l'Afrique. Enfin, il faut vous faire passer pour musulman. Et il y a eu cette conviction assez longtemps chevillée que on ne pouvait pas entrer dans cette Afrique occidentale sans adopter le costume musulman et éventuellement même se faire passer pour musulman. Alors ces formes de mimétisme ou de transformation par l'habit, par la langue. La langue, ben ça, apprendre la langue, c'est une plutôt une nécessité pour communiquer. Ça n'est pas forcément un mensonge, mais la question de la religion, se dire ou ne pas se dire chrétien, est centrale. Alors certains sont allés assez loin finalement dans ces formes de dissimulation. Certainement René Caillé détient là le pompon avec sa fable qu'il va tester à différentes étapes de son voyage. Parce qu'il change de récit selon son interlocuteur, oui. Et il va essayer de modeler, en fonction des réactions de celui qui est en face, oui. De modeler le récit qui va être le récit canonique qu'il va offrir à ses interlocuteurs. Oui. Alors, dans un premier temps, il fait un petit séjour d'initiation et d'apprentissage de la langue chez les Maures près de Saint-Louis du Sénégal. Avec le discours suivant, alors il dit que il est un enfant d'Égypte qui a été enlevé par les Français au moment de l'expédition d'Égypte et qui a été élevé en France par un maître, mais que là son maître français vient de mourir et que donc il est libre, il veut retourner à la religion de ses ancêtres et donc apprendre le Coran, connaître l'islam, etc. et apprendre l'arabe. Il va ensuite tester cette fable-là sur différents individus, des marchands sur la côte de Guinée. Et puis, il voit que ça... C'est crédible, enfin, il peut passer pour égyptien. Donc, il va traverser finalement tout l'intérieur de l'Afrique avec ce mensonge, cette identité factice, qui le met dans des situations très très compliquées. Il ne peut pas prendre ses notes en public. Il n'est pas censé être un voyageur qui va prendre des notes sur les pays africains à destination des pays européens. Si bien qu'il a aussi une excuse toute faite. Si jamais on le prenait la main dans le sac en train de prendre ses notes, il dirait que il est en train de raconter les pays d'Europe aux Africains ou pour donner un récit à ses parents de ce qu'il a vécu en Europe. Bon, donc il inverse complètement le propos, oui. Et en fait, il est quand même dans une espèce d'instabilité continue. Il dit mes notes de voyage étaient mon arrêt de mort si on avait découvert ce que j'étais en train de faire. Et puis il y a des moments effectivement où son récit n'est pas tout à fait cru dans la dernière partie de son voyage quand il traverse le Sahara au milieu d'une caravane marocaine. On le soupçonne d'être un chrétien dissimulé, et c'est très grave. Alors, on voit bien effectivement les difficultés qu'affrontent ces explorateurs, la nécessité de savoir si on faut rémunérer qui, pourquoi, dans quelles conditions, est-ce qu'on a assez d'argent pour rémunérer tout le monde, parce que ce sont de longs voyages, tout cela, ça fait partie des grandes questions que se posent ces explorateurs, mais au bout du compte, ils doivent ramener du savoir, de la connaissance, nourrir ces sociétés savantes qui sont en demande, justement, pour remplir le blanc de la carte. Est-ce que ça marche au bout du compte, Isabelle Surin? C'est-à-dire, est-ce que le faible nombre d'explorateurs envoyés dans cette première moitié du 19e siècle, ou partie d'eux-mêmes, en espérant peut-être un prix ou une récompense, va remplir les blancs de la carte, ou est-ce qu'il va falloir attendre la deuxième moitié du 19e siècle, les expéditions véritablement coloniales, pour pouvoir remplir ces blancs de la carte, Isabelle Surin? Alors, ces expéditions ont permis de dessiner quand même un canevas hydrographique et topographique des grands fleuves de l'Afrique occidentale. On ne savait rien du Niger finalement. On se demandait même s'il ne débouchait pas dans le Nil. On ne connaissait pas ses sources, ni son embouchure, ni son cours. On commence à localiser quand même une partie de ces grands fleuves comprendre qu'il n'y a pas une chaîne continue, les monts de Kong, là, qui barrent complètement le passage aux eaux du Niger et qui l'obligerait à se jeter dans le lac Tchad ou dans le Nil. C'est finalement, il s'agit d'une carte à une échelle qui ne permet pas tout à fait de lancer des opérations militaires. Elle donne les grands canevas, mais lorsque la conquête devient un objectif, c'est-à-dire pour les Français, par exemple, à partir du Sénégal, à la fin des années 1870, là, il faut d'autres types de reconnaissances, beaucoup plus précises, des cartes à une toute autre échelle, et il faut en quelque sorte tout recommencer. D'autre part, au niveau politique, la situation a pu changer. Entre les voyageurs qui sont passés dans les années 1830 comme René Caillé, ou même 1850 comme Barthes, et la conquête 20, 30, 50 ans plus tard, on n'a plus les mêmes interlocuteurs. Donc il faut en fait renouveler ce savoir. Mais pour autant, ceux et celles qui travaillent en histoire postcoloniale et qui disent il y a déjà dans cette exploration les prémices de ce que va être la colonisation, par exemple, cette idée de traverser l'Afrique d'ouest en Est, par exemple, elle est déjà présente chez tous les interlocuteurs des sociétés savantes. Ça fait partie des grandes questions, quasiment en se disant, allez, on va faire une ligne droite et puis on va rejoindre la mer Rouge, on va rejoindre l'océan Indien en traversant tout droit depuis le Sénégal. Ça fait partie des permanences, pourrait-on dire, des visions permanentes que l'on peut avoir de l'Afrique à conquérir. Ou pas, ou à découvrir. En effet, on peut voir un parallélisme dans cette figure de la traversée, de la grande traversée, et qu'on retrouve jusqu'à l'expédition la mission Griaule, Marchand, et puis plus tard au XXe siècle, la mission Griaule, par exemple. Aussi. Oui. Je me semble pas que ça procède tout à fait de la même intention ou du même contexte, parce qu'en réalité, les vraies conquêtes n'ont jamais été des grandes traversées. Conquérir, c'est pas traverser, c'est grande traversée, c'est plutôt des formes d'appropriation symbolique que matérielle ou effective. Appropriation symbolique, il y a aussi l'appropriation des noms. Vous insistez dans un dernier chapitre sur la transcription des toponymes, par exemple, la valorisation ou la dévalorisation des savoirs vernaculaires, c'est-à-dire cette idée aussi qu'il y aurait peut-être deux statuts du savoir, un statut européen ou pas, et puis un statut africain qui ne serait pas à la même hauteur, et vous remettez d'équerre un peu ces questions-là, Isabelle Surin, en disant qu'effectivement, de temps en temps, eh bien, il y a effectivement une vraie confiance qui est faite au savoir vernaculaire, à d'autres moments, elle n'est pas là, mais qu'il y a donc cette nécessité de transcrire, de traduire, de mettre dans la langue européenne, tout ce que l'on a découvert dans les langues régionales et autochtones. Alors au départ, effectivement, pour des questions d'établissement de la carte, on n'a pas intérêt à rebaptiser tous les lieux avec des noms européens, sinon on n'y comprend plus rien. On a des cartes qui donnent pour le Niger le mot Kouara, par exemple. D'autres, enfin voilà, le Niger peut avoir des noms différents suivant les portions du cours. Donc on va s'intéresser aux noms donnés dans les langues vernaculaires à tel ou tel fleuve ou à telle région pour s'assurer qu'on parle bien de la même région. Alors, il est vrai, certains explorateurs ont rebaptisé des lieux. Caillé, par exemple, a donné des noms de la famille royale française à certaines îles qu'il a rencontrées sur le Niger. Mais enfin, c'est pas des noms qui ont perduré et puis c'est pas, enfin, ça n'a pas eu d'incidence. Les savoirs vernaculaires, c'est la toponymie, évidemment, mais c'est aussi les positions relatives des lieux les uns par rapport aux autres. Ce sont aussi tous ces itinéraires marchands qui sont pratiqués dans l'intérieur de l'Afrique par des Africains. Tout ça est collecté et quelquefois même sous forme cartographique. On a un exemple là, du sultan Bello, Mohamed Bello, sultan de l'Empire de Sokoto, à la cour duquel se rend notamment Clapperton, qui va demander à ce qu'on lui mette sur papier le savoir géographique local. Le sultan est en effet capable de dessiner dans le sable une carte de ses états ou même de la position de ses états par rapport au Niger qui intéresse particulièrement les Européens. En même temps, il ne dit pas tout dans sa carte. Il évite de montrer l'embouchure du Niger, par exemple. Et lorsque Clapperton ramène ces savoirs-là, enfin cette carte recopiée sur le papier d'après le savoir local, les cartographes ont du mal à s'y reconnaître. Ils ne comprennent pas ce savoir tant qu'il n'a pas été validé par d'autres explorateurs européens. Et oui, ben ça fait partie effectivement des grands processus de croisement de la recherche du 19e siècle. On pourra découvrir aussi dans Dévoiler l'Afrique comment un explorateur est surpris quand un de ses interlocuteurs africains, souverain, lui dit qu'il aime bien, ce souverain, les expéditions de Cook, alors qu'il s'attendait à trouver quelqu'un qui ne connaissait rien justement à ses savoirs européens. Merci Isabelle Surin d'être venue en ouverture de cette émission. Vous êtes l'auteur de Dévoiler l'Afrique avec un point d'interrogation, lieu et pratique de l'exploration aux éditions de la Sorbonne. Demain, nous continuerons en nous posant une question plus contemporaine. Qu'est-ce qu'était la loi cadre de fer de 1956 consacrée à l'outre-mer? Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Céline Leclerc. Emmanuel Morsdinkan était avec nous à la technique et Anne Fleury à la réalisation.